une de cette conférence. Ayant pour titre? Un, deux, trois, c'est mon texte. Ma première rencontre avec des guides de lumière. Bon, parle-nous de ça. Ça peut, je vais reprendre le titre. Ta première rencontre avec des guides de lumière. C'est une erreur de lecture. Je n'ai pas encore rencontré de guide de lumière. C'est ce que tu penses? C'est pas ce que je pense, c'est ce que je dis. Je sais pas si c'est ce que je pense. Oui, mais c'est faux. Quand je le dis. Quand je le pense. Oui, ton premier guide de lumière que tu as rencontré, c'est moi. Et ça remonte à quelques temps. Hein? C'est, ça se présente de bien des façons. Hein? Oui. C'est ça. Un guide de lumière, ça devait être... Moi, je pensais que ça devait être brillant. Ça dépend des yeux qu'on a. C'est un aveugle, il ne faut pas voir quelque chose de brillant. Hein? Ouais, c'est vrai. C'est bien des aveugles qui disent le soleil, ça doit être brillant. Mais c'est pas brillant, mais c'est parce qu'on aveugle. Je regarde pas à bonne place ou au bon moment. Ah non, parce qu'il faut avoir des yeux. C'est probablement ce qui me manque, effectivement. Ah oui, il y a beaucoup de plusieurs personnes qui ont rencontré des guides de lumière, mais ils n'ont pas d'yeux. Il y en a d'autres, c'est pas des yeux qu'ils ont, c'est des caméras. Alors, ils se projettent un film de guide de lumière, puis ils regardent même eux, puis ils ont l'impression qu'ils voient du monde dessus. C'est un écran. Est-ce qu'un guide de lumière, on rencontre ça dans un véhicule quotidien, ou dans la nuit, dans un rêve, dans une initiation? Moi, ma première rencontre, c'est faite dans un rêve. On peut les rencontrer dans la vie, on peut les rencontrer en chair et en os, on peut les rencontrer en rêve, on peut les rencontrer en songe, on peut les rencontrer lorsqu'on travaille, et on peut les rencontrer aussi lorsqu'à un moment donné, ta vie est en danger, puis subitement, tu as l'intuition parfaite de quelque chose qui fausse, bizarre, comme si tu avais été guidé. Alors, ça peut être aussi l'intervention d'un guide de lumière. Un guide de lumière puis un ange gardien, c'est le terme qu'on utilise, ange gardien, que c'est notre protecteur. C'est dans la majorité des cas la même chose. Donc on devrait théoriquement tous avoir un guide de lumière? Les personnes ont tous des guides de lumière. Ils n'ont pas nécessairement rencontré parce qu'ils ne savent pas quoi regarder ni où regarder. Puis comme tout à l'heure je disais, il y en a aussi qui pensent les avoir rencontrés, mais ils ne les ont pas rencontrés. Pourquoi? Parce qu'ils s'attendaient à voir quelque chose de particulier, ce qui fait qu'ils ont décidé que c'était ça. Celui qui cherche du feu, puis il pense que le feu c'est bleu, bien, chaque fois qu'il voit une flamme, c'est pas ça. Il cherche du feu bleu. Est-ce qu'on se fait une image de qu'est-ce que ce serait? C'est ce qui va arriver souvent, on se fait des images de ce que ce serait, et puis c'est pas nécessairement ça. Comment c'est arrivé dans ton cas? Dans ton premier rêve, ou dans ton... pour ton premier rêve, mais dans ton... quand on a rencontré dans ton rêve? Je sais pas si c'était ton... je veux pas être indiscret, mais est-ce que c'était ton premier rêve? Ah ben là, mon premier rêve, c'était mon premier rêve comme ça. Ouais. Est-ce que c'est un rêve qu'on appelait un rêve conscient ou un rêve dans lequel tu étais emporté puis victime ou observateur des événements? Ben, un rêve conscient, tu peux être emporté, victime et observateur des événements. Oui. Tu ne contrôles pas, mais tu es conscient. C'était un rêve conscient, j'avais à peu près... entre 8 et 12 ans, là, je ne me rappelle plus trop quel âge que j'avais. Et puis, j'avais déjà une idée, j'avais des idées qui me trottaient dans la tête, et ça, c'est des idées qui font partie de mémoires internationales que j'ai, que j'avais aussi à cette époque-là. Alors, des idées de recherche dans l'occulte, de recherche ésotérique, de recherche sur tout ce qui se rapportait aux ovnis, aux objets volants non identifiés. Et tous les phénomènes mystérieux, puis la parapsychologie, le paranormal, etc. Et puis à travers ça au complet, ben, à un moment donné, dans un rêve, j'ai rencontré des personnages qui m'ont invité à aller visiter une espèce d'immense monastère. Et le monastère c'était au Tibet, dans ma tête, c'est en Chine maintenant que je sais, mais disons que dans ma tête, je crois que c'est au Tibet. Parce qu'un peu avant, j'avais lu le troisième œil de le mardi, là, ça ne me rend pas. Et puis donc, toute l'évolution se passait uniquement au Tibet, ça ne se passait pas ailleurs. Fait que le rêve était coloré en fonction de la dernière lecture. Exactement, exactement. Et puis, dans ce monastère, eh bien, il y avait trois portes. Et puis là, je voyais les disciples qui approchaient, puis qui, la majorité, c'était des jeunes. Et puis, ils frappaient à une porte. Puis là, il y a quelqu'un qui venait ouvrir la porte, qui regardait, mettons, le jeune qui était là. C'était uniquement des garçons. Et puis, de temps en temps, on leur donnait une claque en plein visage, on leur crachait dessus pour fermer la porte. Et des moines qui allaient même jusqu'à leur pisser dessus, puis fermer la porte, tout comme cela. Et puis, à un moment donné, ben là, je vois qu'il y a un personnage, c'est un jeune, qui se pointe là. Alors, il cogne. Ça répond pas, ça répond pas. Il reste là, il reste là. Il passe trois jours comme ça, trois jours et trois nuits comme ça, à attendre pour rien. La dernière journée, finalement, la troisième journée, bien, il y a un bonhomme qui ouvre la porte et qui demande qu'est-ce qu'il veut. Fait qu'il dit « J'aimerais rentrer et devenir moine. » Fait que le bonhomme, il ferme la porte. Le jeune reste dehors. Ça a duré comme ça quelques temps dans le rêve. Et puis, à un moment donné, ben, il y a un bonhomme qui ouvre la porte et qui dit « Ok, tu peux rentrer, mais je dois t'avertir qu'une fois rentré, tu vas pouvoir sortir d'ici seulement dans trois ans. Pas avant. » Alors, le jeune, il a à peu près 12 ans, et il dit « D'accord, qu'il rentre. » Et puis là, il va apprendre les prémices de l'évolution merveilleuse. Alors, il va falloir qu'il lave les planchers, fasse la vaisselle, brosse les dents de certains moines, choses comme ça. Il mangeait des bolettes au bout de champ. À un moment donné, eh bien, il y a... Dès le début, de toute façon, il y a une procession, et puis tous les gens se mettent à genoux. Pendant que le grand moine passe, puis lui, ben, il ne savait pas, fait qu'il reste debout, fait qu'il a mangé une de ses volées du grand moine à coups de bâton. Quelques temps après, il y a une procession encore, fait que là, tout le monde se met à genoux, lui aussi il se met à genoux, il mange encore un autre volée. Et puis, il a compris quelques années après qu'on ne se met pas à genoux pour se mettre à genoux. C'est pour ça qu'il a mangé une volée avant, il a mangé une volée parce qu'il n'a rien compris, puis après, quand il s'était mis à genoux avec les autres, il n'a toujours rien compris pourquoi il se mettait à genoux, fait qu'il n'a pas mangé une volée. Et puis, progressivement, comme ça, il a appris plusieurs choses absolument idiotes, c'est-à-dire à entretenir la matière, du jardinage, il fallait qu'il sarcle à la main, tu sais, pendant que les autres avaient des petites machines. Alors, il remettait continuellement en question, le jeune, toute évolution complète, et c'était apparemment à la place Summum, la meilleure place, c'est là qu'il était allé. Il a souffert pour rentrer là. Une fois qu'il est rentré là, on est en train d'en faire un serviteur de matière, on est en train d'en faire une personne qui va être... très recommandable après ça pour travailler comme garçon d'entretien dans les maisons. Bon. Alors que lui, il devait être un moine. Quelques temps après deux ans et demi, on a commencé à lui enseigner des philosophies. Ça se passait vite là-dedans, on sautait les étapes. Alors, il y avait un paquet de choses intéressantes qui se passaient. Et puis, on lui a enseigné des trucs intéressants uniquement au niveau philosophique, c'est-à-dire que à un moment donné, on prend un gros bocal, on le rempli de pommes, puis on lui dit « Prends une pomme ». Alors, il rentre sa main dans le bocal, il prend une pomme, puis il ne peut plus sortir la main. Fait que l'autre, il lui dit, ben écoute, tu apprends la pomme ou tu n'apprends pas, c'est le seul repas que tu vas avoir. Fait que si tu ne sors pas la pomme de dedans, ben, puis comme il peut rentrer sa main, pas de pomme, mais quand il tient la pomme, ben l'ouverture est trop petite, ça passe pas. Il faut qu'il lâche la pomme, sortir la main. Alors, il recommence, il prend une pomme, ça passe toujours pas. Alors, l'idée, ben, c'est ça. Bon, si tu veux te nourrir, ben, sors la pomme. Hein? Voilà, c'est simple. Alors, évidemment, il est allé chercher un pic, puis il a réussi à piquer une pomme par la sorcière. Puis, on lui a fait passer des gugus comme ça. Eux autres appelaient ça de l'évolution, parce que c'est le summum de l'évolution. Des stupidités comme ça sans arrêt. Alors, à un moment donné, quelques temps après, il commençait quand même à changer. Il ne s'était pas rendu compte comment il changeait, mais finalement, effectivement, il commençait à être plus respectueux des choses matérielles. Mais finalement, il y avait un moine qui lui a dit « Plus t'es respectueux des choses matérielles, plus t'es respectueux de toi. » Fait que les choses matérielles, on s'en balance. Mais ce qu'on fait avec l'extérieur, c'est toujours une projection de ce qu'on fait avec l'intérieur, ce qui fait que c'est pourquoi tu as appris. Puis si on t'aurait expliqué pourquoi tu le faisais, tu ne l'aurais jamais compris. Il fallait que tu le vives. Voilà. Alors, on te faisait vivre, puis toi, tu chiolais, tu sacrais, tu gueulais, tu voulais sortir, mais c'est impossible de sortir avant 3 ans. Tu étais dans un étau. Après trois ans finis, ben là, on lui explique que maintenant, lui avait beaucoup changé, il était rendu vers les 15 ans, et puis on lui dit, maintenant, tu peux partir. Fait que tu peux rester ou tu peux partir. Si tu pars, ben tu peux sortir, il y a une porte sur le côté, là, puis tu sais qu'à sortir, puis voilà, bye-bye. Alors lui, il décide de rester. Là, on l'avertit, si tu restes, jamais plus tu pourras sortir. Alors lui, il leur pose la question, il dit, oui, mais j'ai déjà vu des personnes qui sont sorties, puis qui ont passé 30 ans ici. Fait qu'on lui répond oui, mais ces personnes-là, c'est autre chose, c'est extrêmement différent. Tu feras pas de fils, c'est pas ça. Mais si tu décides de rester, tu feras plus. Ah, il a décidé de rester. Et puis, moi, je suis toute l'épopée au complet. Puis progressivement, plus ou moins progressivement, je me rends compte que les personnages qui entourent le jeune, c'est des personnages qui, par la suite, vont venir me rechercher, me revoir. Puis que le jeune dans l'histoire, c'est moi. Bon, dans une autre vie. Et puis, à un moment donné, eh bien, on lui montre des arts martiaux, le Kempo, entre autres. On lui montre des philosophies, on lui montre la médecine, on lui montre les plantes, on lui montre plein de trucs. Et puis, rendu vers l'âge de 27, 30, 30, 35 ans, il décide de sortir. Alors, on lui dit, on t'a déjà dit que tu ne pourrais pas sortir. Il dit, oui, mais vous m'avez dit aussi qu'il y a la possibilité de sortir. Alors, on lui explique qu'il n'y a pas de problème, mais pour sortir, on lui explique tout le phénomène. Pour ceux qui vont sortir, doivent faire l'initiation solaire. Et l'initiation solaire, eh bien, on peut considérer qu'une personne sur 22, 23 qui l'essaye réussit, les autres meurent tous. Alors, c'est pourquoi il y en a quelques-uns qui veulent sortir, puis il n'y en a pas beaucoup dehors. Fait que lui, il dit, oui, mais j'aimerais sortir, j'aimerais... pas pour sortir, justement, uniquement parce que c'est le chemin. Autrement dit, ce qui arrive, c'est que lui, il est parti de dehors, puis finalement, son but ultime, c'est de retourner, de revenir dehors. Mais ce ne sera pas le même dehors, après être passé là. Alors, son initiation solaire, c'est finalement, après être monté dans un cadre particulier, de revenir à la simplicité du paysan à l'extérieur, en étant un dieu paysan. Alors, il décide, il veut quand même sortir. Fait qu'on lui explique certaines choses. Et puis, on lui dit, maintenant, tu vas faire des états des épreuves. Tu vas rencontrer tes meilleurs professeurs d'arts martiaux et tu dois tous les battre. Quand tu les auras tous battus, on passera à la deuxième. Parce que celui qui sort d'ici doit payer son karma. Donc, celui qui sort doit laisser avant de partir des choses neuves pour faire avancer tout le monastère, parce qu'on perd l'individu. S'il bat ses maîtres d'art martial, ça veut dire qu'il va être capable de leur enseigner une technique un peu plus avancée que la leur. Bon, le jeune réussit à le faire quelques temps après. Là, on lui amène de gros problèmes spirituels qui n'ont jamais été résolus. Il faut qu'il les résolve. Il faut qu'il fasse avancer spirituellement l'affaire. On lui amène des maladies qu'on n'a pas réussi à guérir, qu'on contrôle à peine. Il faut qu'il parvienne à les soigner. Il faut encore qu'il augmente la science médicale. Et c'est comme ça. Et puis, à un moment donné, eh bien là, une fois qu'il a tout réussi ça, eh bien, on lui dit, parfait, dans 3 jours, tu vas pouvoir quitter le monastère. Alors, le jeune est tout content. Et puis, 3 jours après, il y a la cérémonie du départ, qui va durer finalement une semaine. On l'amène dans un souterrain qu'il ne connaissait pas. Et puis, quand il arrive en bas, c'est tout illuminé, des lumières, des torches. Et puis là, il y a un paquet de personnages qui sont là, des bonhommes, des hommes, qui sont bien bâtis, mais qui ont une espèce de calme absolument puissant, un calme dévastateur. Et ils sont tous en rang. Il y en a une grande rangée, ils sont peut-être 100 à chaque côté. Et puis, le jeune approche, puis on lui dit, tu traverses la rangée au complet, puis de l'autre côté, il y a une porte, tu prends la porte, tu t'en vas. Alors lui, il s'imagine qu'il va se faire approcher tout le long du couloir. Alors, il avance un peu prudemment, mais ce qu'il fait, c'est que quand il approche devant les premiers, ceux qui sont sur un côté élèvent leurs manches. Là, il y a un dragon qui est gravé avec un fer sur la peau qui apparaît. L'autre côté, les autres, ils vont lever ça, puis c'est un lion. Puis là, il va passer comme ça, puis les 200 personnes ont tous un dragon sur le bras droit et un lion sur le bras gauche. Puis lui, il sait que ça, c'est le signe des grands initiés de ce monastère. Alors, il s'attendait à manger des baffes, il n'en mange pas. Fait qu'il rentre de l'autre côté, il voit la porte, fait qu'il s'est retourné, il dit bye-bye, il rentre là-dedans. Puis il se rend compte vite que c'est un labyrinthe, qu'il descend sous terre, qu'il n'y a pas de lumière, c'est extrêmement humide. En arrière, il entend les gens murer le mur avec des briques et du ciment. Fait qu'il ne peut plus revenir en arrière. Alors, c'est pas long, il est totalement dans l'obscurité. Il y a des pierres, des couteaux qui tombent sur la tête, il faut qu'ils évitent. Il y a des aspérités très affilées partout sur le bord des murs, totalement empoisonnées. Il y a des scorpions, des araignées. Il y a des trous dans lesquels il peut tomber. Enfin bref, il y a des paquets de squelettes là-dedans. Et puis, il n'a pas rencontré Indiana Jones, par exemple, tu sais, mais il aurait pu, ouais. Oui, un peu. Et puis finalement, il arrive à sortir de là, puis c'est l'hiver, et puis quand il arrive à l'extrémité pour sortir, il y a un immense, immense couloir de feu, et puis il y a une immense marmite en plein milieu, puis la marmite, elle est remplie de chardons ardents. Puis la seule façon de doter la marmite, c'est de la ramasser avec les deux avant-bras, puis c'est là que ça va graver le lion et le dragon. Alors il lève la bebelle, il attasse, puis là, il sort dans la neige, puis il s'en va se tremper un peu les mains, hein. Et puis par la suite, il va découvrir que quand il se promène en Chine, puis un peu partout, ben il y a 20 bandits qui l'attaquent. Il a juste à s'étirer un peu les mains là, pour qu'on voit ses signes, là, puis il n'y a plus 20 bandits de moins dans la région. Il n'y en a pas un qui veut s'approcher d'un moine Shaolin. Par la suite, quand il est sorti, etc., ben là, ça se diffuse, ça s'en va. Alors moi, je me réveille le lendemain. Je me réveille souvent le lendemain. Et puis, donc, je me réveille le lendemain. Puis, une bonne habitude, remarque. Oui, c'est intéressant. Et puis là, je ressens ça un petit peu à l'intérieur de moi, puis je reconnais un paquet d'affaires, etc. Ça faisait longtemps que je savais que j'avais déjà été un Chinois. Et puis, d'ailleurs, je m'ai chinoisé à l'époque. J'ai japonais à nager, tout le monde le sait. Bon. Mais, alors plus tard, donc, quelques jours après, je refais un rêve. Et puis là, c'est le personnage vient encore me chercher pour me suggérer de, moi avec quelques amis, de faire un groupe qui va réunir des dossiers sur tout ce qui existe au niveau du paranormal. Et puis là, il m'amène sur le bord d'un étang, puis là, il m'explique, là, j'en avais déjà parlé un petit peu de ce bout-là, il m'explique simplement qu'il y a des lotus qui poussent dans l'étang. C'est toujours sur le bord du monastère. Et puis, les lotus sortent, puis la majorité meurt dans l'eau. Il y en a quelques-uns qui arrivent à traverser toute l'eau complète pour s'épanouir au soleil. Et c'est pourquoi on dit que le lotus, c'est la fleur qui symbolise la sagesse, qui traverse la brume de l'ignorance de l'eau, qui est yin, pour aller s'épanouir à la sagesse du soleil. Alors, il me dit, ton groupe, tu l'appelleras Lotus. Toi, c'est une jaguar, moi, c'est Lotus. Chacun est. Et puis, donc, quand je me réveille, eh bien, deux de mes amis avaient fait un rêve similaire. Le mien était plus clair. Et puis, on forme le groupe, qui s'appelait Lotus, sagesse. On a ramassé des choses, on a ramassé des cossins, on a fait des recherches, en tout cas, on avait des fichiers. Je pense que cette époque-là, il y a dû avoir énormément de vols dans les bibliothèques. Par hasard. Ouais, c'est ça. C'était pas moi, c'était mes amis. Ah, oh, Bon. Moi, je les gardais chez moi. Pour être sûr que... Oh, absolument. Qui vole un voleur a le doigt à 100 années de pardon, j'avais entendu à la télévision. Ah, d'ailleurs, à l'époque, c'est que correct pour un bout de temps. Mes amis volaient les livres, puis moi, je leur volais eux autres, et moi, je t'ai pardonné. Bon. Mais j'ai appris par l'après que c'était pas tout à fait ça, en tout cas. C'est une chose qui arrive. Bon. Et puis, on a formé ce groupe-là. Quelques temps après, les bonhommes sont venus, je leur ai posé un paquet de questions. C'est des guides de lumière. Ils se présentaient comme étant, il y en a un qui était un des maîtres du monde, etc. Tu sais, mais ça se présente toujours d'une très belle façon, de toute façon. Et puis, je les ai écoutés pendant un bout de temps, je les ai suivis pendant un bout de temps. Ils m'ont suggéré, à un moment donné, de former un groupe plus puissant qui s'appellerait probablement Envol. Et puis, d'aller refonder une nouvelle société sur une île déserte en Polynésie. Polynésie qui veut dire plusieurs îles. Il n'y a pas uniquement la Polynésie française. La Polynésie, c'est quasiment tout le Pacifique au complet. Donc, Hawaï, c'est Polynésie américaine. Juan Fernandez, l'île de Robinson Crusoe, l'île de Pauk, c'est la Polynésie chilienne. Puis, on a la Polynésie française avec Tahiti, Bora Bora. Il y a la Polynésie anglaise, il y a Pitcairn, en tout cas, il y en a un paquet. Bon. Alors, il m'explique tout ça au complet, ce que je dois faire. Il me fait tout voir les belles affaires. Je me suis fait avoir comme il faut. Et en même temps, c'était correct, c'était très, très, très intéressant. Et au départ, il me dit que avant de partir, tu vas te faire fourrer par ton meilleur ami. Mais c'est comme ça, puis il faudra quand même que tu le fasses. Alors finalement, on forme Envol, qui était l'école naturelle de vie de l'Ordre du Lotus, qui était la continuité donc du premier groupe. Là, je devais avoir à peu près 14-15 ans. Alors on décide qu'on va aller sur une île, on va donc refaire le monde. Et puis, en 79, on a bâti un bateau. On a eu une couverture médiatique assez phénoménale. À l'époque, le guide était intéressant. Je vais vous expliquer un peu comment ça se passe. Après ça, on verra que c'est intéressant jusqu'à un certain point. Dans l'usine, premièrement, moi, j'ai une automobile que j'avais achetée, qui avait appartenu à un des présidents de la compagnie Molson. Alors, elle était plus ou moins blindée. Elle était extrêmement pesante, puis le moteur avait été... remanié un peu. Puis j'avais deux autos, deux familiales. Et puis, à un moment donné, je m'en vais à l'usine. On avait décidé de bâtir un bateau. Alors, on décide qu'on ne connaît rien là-dedans, mais on va bâtir un bateau, puis on sera guidé. Hein? On est habitué, les guides de lumière sont là pour nous éclairer. Et puis, on avait 500 $ dans le compte commun, fait qu'on décide d'aller se louer un endroit pour bâtir le bateau. Alors, mon bras droit, celui qui va par la suite me revenir sur le dos, on s'en va voir son oncle, qui s'appelait Jean Bessery, qui était un acteur. Alors, on s'en va en campagne, on va le voir. Il y avait une vieille grange, fait qu'on, peut-être qu'on aurait pu faire le bateau là-dedans, mais il aurait fallu l'isoler pour l'hiver. Mais ça ne le dérangeait pas, Jean. Mais là, nous autres, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on mette peut-être 10 000 piastres de travail dessus. C'est un an de travail sur la grange pour après ça pour faire... pouvoir commencer le bateau. Alors, on a cherché, on a fouillé, puis à Saint-Léonard, on a trouvé une place qu'il fallait qu'on pouvait bâtir le bateau. C'était... les guides de lumière s'arrangent toujours pour que tout soit parfait. Quand tu les écoutes, convenablement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'usine, on n'avait pas encore les plans du bateau. C'était un voilier. Alors... l'usine était assez longue. La porte du garage est trop petite. On fait que sur le bail, c'était signé qu'on démolissait tout le mur pour sortir le bateau. Puis qu'on le rebâtissait après. Parce qu'on savait que ça ne sortait pas par la porte de garage. Même si une porte de garage est un peu industrielle, là, mais c'était pas assez grand. À l'intérieur, il y avait une mezzanine. Ça veut dire que c'est comme une grande bâtisse rectangulaire. Puis il y a une grande partie du. Il y a comme un deuxième étage. Alors, ce qui fait qu'on peut être en dessous ici, la mezzanine, il y a beaucoup de personnes qui couchaient là, et puis le reste, on peut faire le bateau. Alors, on loue ça. Quelques temps après, je laisse, mon automobile ne démarre plus, j'étais à l'usine, fait que je la laisse là, et puis je rentre à la maison. Et en m'en allant à la maison, je rencontre justement mon ami qui revenait de Québec avec les plans. Alors, il me prend, puis on s'en va à la maison. Là, on regarde les plans, puis on comprend absolument rien. Bon. Tout ce qu'on savait, c'était les plans du Sprint, qui est le premier voilier qui a été piloté par Joshua Slocum. C'est le premier personnage qui a fait le tour de la Terre en solitaire. Alors, on regarde les plans, et puis j'ai le guide de lumière, hein, il m'a dit quel livre acheter, j'ai fouillé un peu, j'ai redessiné les plans au complet, puis j'ai totalement réadapté le bateau pour en faire le bateau type, de ce qui était avant qu'on en fasse le sprint de M. Slocum. Alors, le matin, on retourne à l'usine, et puis mon automobile était disparu. Et alors, je l'ai payé 500$, ça c'était pas mer à boire, mais quand même, on avait besoin de déplacer les feuilles de contreplaqué. Hein. Alors, on rentre dans l'usine, l'automobile était dans le garage, dans l'usine. Le capot était ouvert, la valise en arrière était ouverte, on n'a jamais réussi à l'ouvrir, ça a toujours été trop rouillé. Le coffre à gants était ouvert. Les quatre portes étaient ouvertes, puis l'auto était totalement propre. Alors, j'ai essayé de la faire démarrer au quart de tour. Puis là, bon, on a ri un peu. Puis on a mis l'auto dehors. Alors, on a commencé à travailler à faire le bateau, on a reçu des plans. Les voisins, ils venaient souvent nous voir, tu sais, combien de chaloupes de sauvetage j'allais avoir. Puis, c'est de la colle que vous prenez, ouais, c'est-tu de la Crazy Glue, c'est-tu de la Lepage, tu sais, puis des affaires de même. Tu sais, comme, il y en a un qui nous a suggéré, bien, remplissez, quand vous allez avoir fini, remplissez le dos pour voir où sont les fuites. En tout cas, comme ça, c'est intéressant. Bon. Et puis, il y en a qui nous demandaient, pensez-vous que ça va avancer? Fait qu'on disait, non, ça c'est fait pour reculer, c'est, on s'en va, on pollinise un peu longtemps, puis bon. Alors, il y a eu beaucoup de scepticisme de la part, n'est-ce pas, de notre entourage, mais n'empêche que les guides de lumière sont arrangés à un moment donné pour que tout le monde participe à faire le bateau. Mais là, tu veux dire que, si je comprends bien, toutes vos décisions, les décisions du groupe étaient alignées en fonction des rêves que tu avais, avec des contacts avec ces guides. Exact. Mais il y en a d'autres qui avaient des contacts très similaires, puis qui avaient la même vibration que ce que j'avais moi. Alors, un exemple, il y a un personnage, bon, on avait besoin de peut-être une dizaine de perceuses, parce qu'on vissait des vis, il fallait faire un trou, visser. Il y avait trois équipes qui travaillaient 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et puis, à un moment donné, les outils, on n'en a pas assez. Fait qu'on allait emprunter les outils dans toutes les usines de ce quartier industriel, dans toutes les industries du quartier. Et c'était pas long que, de temps en temps, il fallait que les employés des industries viennent emprunter leurs outils chez nous, on a besoin de chez eux. Fait que, il arrivait, et là, j'aurais besoin de telle affaire. Ouais, il passait un besoin d'autant. Alors, c'était intéressant. Mais, guide de lumière, qu'est-ce que ça fait? Quand on a monté les côtes du bateau, hein, c'est tout simplement des bordures, puis après ça, tu as plié tes planches d'acajou par-dessus. Et le bateau tel qu'il était redessiné, par hasard, le devant, la plage avant, elle est comme ça, puis là, tu as deux marches, puis tu as le pont, puis en arrière, tu as un gaillard derrière. Ça veut dire qu'il ressemble à une espèce de sabot. Et la façon dont le plan est organisé, si on le faisait par en avant, toute la plage avait rentré en dessous de la mezzanine, mais à ça de près. Alors, l'usine était parfaite pour faire le bateau, mais il n'y a pas de place nulle part. C'était parfait. C'était fait pour, ça fitait comme un bateau dans une usine. C'était et puis, à un moment donné, quand on a fait les côtes, on s'est rendu compte que, parce que le bateau, normalement, pour que le pont soit droit, la quille est croche dans l'eau. Mais vu que la quille touchait à terre, ben là, il fallait que le pont soit croche. Ça, si on le bâtissait droit, quand on le marait mis à l'eau, il a fallu qu'on monte souvent. C'est une affaire, vous pensez, quand on fait un bateau. Alors, on a évalué qu'il fallait que tout soit penché de 4 degrés vers l'avant. Alors, une fois qu'on a mis toutes les côtes, etc., puis c'était bien beau, c'était joli, joli, joli, on a pris une photo, il y avait un gars devant sa quille en train de ramer, tu sais. Il n'y a pas, donc, il y avait juste le squelette. Puis là, on s'est rendu compte avec un grand rapporteur d'angle qu'on s'était fait pour vérifier, on s'est rendu compte qu'on avait tout placé les côtes 4 degrés à l'inverse. Fait qu'on était 8 degrés tout croche. Alors là, j'ai attaché mon automobile après la quille, puis là, avec une corde en nylon, puis là, j'ai avancé lentement, la corde s'est tirée, dès que ça fait fou, ça a donné un gros coup, ça a tiré. Fait que là, on est sorti de l'en courant, puis il y avait un de mes amis qui était là avec sa grande équerre. C'est parfait, 4 degrés! C'était parfait. Il y a plein de monde qui est venu nous voir ça tout tomber, tu sais. Puis là, 4 degrés parfait, les gars, ça se peut pas. Il y a un bonhomme très riche qui est de l'autre côté qui nous disait, hey, c'est-tu écœurant? Moi, j'en ferais un bateau dans ma cour, puis il y a personne qui le saurait. Eux autres, ils le font cacher dans l'usine, tout le jour de nous en parle. Ah, il était jaloux, puis il nous a fourni à peu près la moitié du matériel. En bois, en outils, en temps, en employés. Est-ce que ces guides-là vont influencer la pensée des autres, les rêves des autres pour organiser un événement comme ça? Ou... Ben, remarque, j'ai été manipulé par par mes guides de lumière, ce qui fait que nécessairement, les autres aussi l'ont été manipulés. Mon bras droit, entre autres, il s'en va dans un cinéma avec sa sœur, puis là, cinéma Outremont, c'est un quartier, je crois, à Québec. En tout cas, il prend la revue, pour la revue, on avait mis une petite annonce. Puis en lisant ça, tout de suite, il n'y a plus rien à la planète. Là, c'est là qu'on s'en va. D'ailleurs, on était chanceux à l'époque, on a rencontré tous les types de personnes. Il y avait des criminels en fuite, il y avait des personnes qui, au lieu de se suicider, avaient décidé de se suicider avec nous autres. Il y avait toutes les histoires, tu sais, c'est très intéressant. C'est encourageant. On va prendre le bateau. Eh oui. Alors, par la suite, ce qui était intéressant au niveau de l'usine, c'est que très, très, très souvent, le ménage se faisait tout seul, les outils se réparaient tout seul. On entendait bouger en bas, quand on descendait, il n'y avait rien, mais tout était placé. Alors, quand on parle de guide de lumière, c'est pas uniquement un phénomène qui vient dans ta tête de temps en temps pour te dire ceci ou cela, ou c'est pas un phénomène que tu vas dire, bon, mais mon guide, s'il vous plaît, fais ceci, fais cela, comme certains vont le faire. Un guide de lumière, ça va servir autrement qu'à ça. Le guide de lumière, sa fonction première, c'est de réveiller l'humain à une forme de spiritualité ascensionnelle et non pas une spiritualité stagnante. Une spiritualité stagnante, c'est lorsque on croit à des choses que tout le monde croit, puis on suit traditionnellement la croyance des autres. Une spiritualité ascensionnelle, c'est une spiritualité qui va nous amener vers des choses de plus en plus neuves. Et normalement, le guide de lumière va être en avant pour nous amener là. Mais est-ce que le guide de lumière ne peut pas devenir aussi une forme de Dieu ou une forme de stagnation, dans le sens que si on peut agir en fonction de ce que le guide a dit, puis penser en fonction de ce que le guide nous a fait penser? Ça dépend comment on tripote notre guide de lumière. Est-ce qu'on tripote notre guide de lumière ou est-ce que le guide de lumière tripote? Bon, disons que c'est un bitripotage. Parce que mon guide, mais j'ai lu plusieurs mes guides, mais disons mon guide, je lui posais souvent des questions. Et puis, des questions qui sont assez punchantes. Alors, nécessairement, il fallait qu'il réponde. J'ai dû le faire évoluer un peu. Je posais des mauvaises questions, en tout cas, j'assume des fois, là, et... Ça prenait du temps avant que la réponse arrive. Je ne sais pas si elle allait lire. Il y a une bibliothèque, mais en tout cas, c'était long. Alors, les guides eux-mêmes sont là pour t'aider. Sauf qu'il vient à un moment donné où le guide va être là pour que tu te libères de lui. Et la problématique, c'est que dans le monde astral, dans l'atmosphère planétaire au complet, il y a des guides de lumière qui peuvent se matérialiser suffisamment solidement, donc des anges, et il y a des mécaniques qui peuvent facilement prendre la place du guide de lumière. Et ça, c'est une problématique. Les deux, le guide de lumière ou sa copie ou celui qui prendrait sa place, sont tous les deux dans la strade. Oui. Comment tu fais pour les différencier? Quand c'était fait avoir, c'était pas le bon. Puis quand ça fonctionne bien, c'était peut-être le bon. Peut-être. Mmh. Oui, tu sais pas. Tu sais après. Bon, moi, je le savais un peu, c'est-à-dire que j'avais une foi aveugle. Dans les deux? Pas dans le guide de lumière, mais non, dans la destinée. Alors, ce qui fait que... Bon, je m'en vais, par exemple, à Montebello. Je m'en prends 2 jours de vacances après 6 mois de travail. Et puis, mais tu sais, après 3 heures, t'as le goût de retourner à l'usine, tu sais. Il y avait des caisses de clous qui traînaient là, je les amène. Ça donnait bien, quand je suis arrivé, ils clouaient le dernier, tu sais, il y en avait besoin. Puis, fréquemment, c'était comme ça que les choses se sont passées. Alors, sans arrêt, les guides ont toujours été capables de convaincre certaines personnes de fournir financièrement pour le bateau. De convaincre certaines personnes à acheter les livres. J'ai écrit un livre à l'époque qui était mon autobiographie, En vol, départ pour le début du monde. C'est les éditions de l'Homme qui l'avaient édité. Et puis, les livres, on en vendait, ils valaient 6 piastres à l'époque, et puis on en vendait, nous autres, des livres à 10. Moi, je l'ai vendu un à 500 à un moment donné. On en vendait à 50, à 100. Là. Et puis, ça finançait le moteur, les voiles, les mobs, ces choses-là. Mais tout le temps, on savait tout au complet. Quand on est parti sur le voilier, moi, je suis le seul qui avait de l'expérience de la voile. J'avais navigué sur un sabot, pour ceux qui connaissent, là. De Denver ou de Montréal? C'est pas gros comme un sabot de Denver. Non, j'avais fait un peu de CL16 aussi, ça a 16 pieds de long. Le sabot, c'est une cochonnerie, c'est une boîte de bois, avec une pointe en avant, ça mesure, en tout cas, moi dedans, là, mes jambes allongées, je pense qu'il dépasse. Et puis... Tu t'en allais en Polynésie avec un vrai voilier? Sur le lac des Sables, ouais. Là, j'avais le plus gros voilier fait par des amateurs au Canada. Tu m'aurais payé cher pour l'embarquer. C'est pour ça qu'on s'est pas connu. Mesurait 57 pieds hors tout. C'est pour ça qu'on y est. Puis, c'est ça que c'est bien vrai. Et puis, on avait 5 voiles. C'était du bateau en tabarouette. On était à une marina, puis le plus gros bateau de l'époque, là, quand les bateaux approchaient de nous autres, sur le pont, on les regardait toujours de part en bas. Puis quand on arrivait avec l'annexe, l'embarcation de sauvetage, on approchait de la coque du bateau, puis là, on descendait à une échelle, puis là, on montait sur le pont, tu sais, monté sur le pont, donc après, ça marche. C'était du bateau. Puis l'équipage aurait donné un cours dans le salon. Chez moi, de voile, hauturière et du cabotage, n'est-ce pas, avec un voilier océanique, un voilier peut faire de la haute mer. Quand on est parti, ben c'est ça qui est les guides, c'est vraiment génial. Quand on est parti, premièrement, je savais déjà qu'il y avait plusieurs personnes. Il y a des personnes qui nous attendaient sur le Saint-Laurent pour miner et faire sauter le bateau. Les journalistes nous attendaient partout pour le savoir quand on partait, mais on ne voulait pas qu'ils sachent, pas que ceux qui voulaient... Les journalistes, ils étaient bien un homme de grenouille ou s'ils étaient... Non, mais Radio-Canada avait loué un bateau, on ne savait pas, on est partis en secret, nous autres, puis... Que l'hiver pouvait approcher, à un moment donné, il y a des hivers ici. Alors, on demande à la marina avec leur petit bateau, ils nous mettent au milieu du fleuve, puis ils nous lâchent. Fait qu'on part. Fait que là, moi, je donne l'ordre, je tiens la barre, je donne l'ordre, j'avais une grosse barbe, tu sais. Je donne l'ordre de hisser les voiles. Tout le monde est figé. Les quoi? Fait que là, on dérive là, ah oui, vers l'un des plus beaux bateaux de la marina. Mais le nôtre, là, il est carrément plus gros, on va carrément le couler. On n'a pas d'assurance, c'est pas l'assurance, c'est les guides de lumière, on faut payer, on t'a assuré que ça allait bien. Mais là, il était à qu'ils bougent, les autres. Le propriétaire du bateau qui est venu vous monter les voiles. Ah, c'était pas un cadeau, ouais, c'est à peu près ça, ouais. Non, on s'en allait comme ça progressivement, alors, à un moment donné, ben là, moi, je lève la voile d'Artimon, celle qui était en arrière, puis là, je crie de lever les voiles. Puis en devant la voile d'Artimon, ben là, le vent pousse 5 en arrière, fait que le bateau tourne un peu plus, puis on se dirige là, droit sur l'autre bateau. Alors là, je lâche le bord. Moi, le bord était tribord tout, mais ça ne sert absolument rien. Vous savez, un petit safran, à peu près quoi, de quelques pieds par quelques pieds dans l'eau, contre une voile qui mesure 45 pieds de haut par 30 pieds, puis bon. Alors, je vais en avant en courant, là, je lève le foc, je lève la trinquette. Ça a rééquilibré le bateau, puis on est passé, je pense, à quelques pieds. Le beau prix a dû passer par-dessus le pont de l'eau, là, puis on s'est replacé en dessous. Là, on s'est en allé, on a frappé trois bouées, hein, les trois premières bouées, on a causé deux là-dessus. Puis, c'est pas une course à obstacles, ça. Ouais, la première, c'est le beau prix qui a arraché la tête de la bouée, sinon, ça a-tu cassé. La deuxième a tapé en avant, c'était éloigné, puis elle est venue se casser en sa coque en arrière. Puis la troisième, elle a disparu en dessous du bateau, puis elle a réapparu de l'autre côté. Puis là, on s'en allait, à un moment donné, il n'y avait plus de chance, là, le bateau n'était pas équilibré du tout, puis on s'en allait carrément s'échouer. Puis là, le bateau dans du Canada arrivait pour nous filmer. Fait que j'ai donné l'ordre de jeter l'ancre. Très bonne décision. Mais il fallait savoir quand l'acheter. Les guides de lumière, combien de câbles on laisse aller, puis quand l'acheter. Parce qu'on l'a jeté, puis on est venu se placer entre deux petits voiliers privés. Tu sais, on est venu se placer là, juste entre les deux voiliers. Des vrais pros. Les gars dans du Canada sont montés, là, j'ai crié tout le monde, sortez la bouffe, faut qu'on dîne! Fait que quand ils sont montés, on leur a dit, bah oui, on a pris une pause pour dîner. S'ils peuvent partir, qu'on se réessaye. Ben, il me dit, ouais, mais il y a plusieurs qui disent que c'est des marins d'eau douce. Je ne voulais pas qu'ils mettent ça à la télévision. Non, on est des marins d'eau polluée. Ils ne l'ont pas mis à la télévision. Ouais. Non, c'est le fleuve Saint-Laurent. Bon. Alors, on a réussi à ramener le bateau, on s'est en allé, puis là, on est allé jeter l'ancre près de Sorel. Et puis, pas tout, pas le moteur. On a une embarcation Zodiac avec un 20 forces, ben, bien attaché, ça peut quand même bouger le bateau, tu sais, mais c'est pas. Parce que notre bateau avait, je pense qu'il pesait 35 tonnes. Là. Il y avait, en tout cas, c'est on avait 12 tonnes de ballast juste dans le fond. En plomb. Alors, à un moment donné, on est resté là, et puis là, il y a un bonhomme qui. C'est ça, les guides de lumière. Il y a un bonhomme qui regardait les nouvelles à Radio-Canada, puis là, il voyait le bateau passer dans son écran. Puis là, il lève les yeux, puis dans sa fenêtre de salon, il voit Envolion passer devant chez lui. Fait que son fils a un remorqueur. Son fils s'est acheté un vieux remorqueur tout rouillé. Son fils s'est remonté de Québec dans la soirée. Fait que le bonhomme, lui, il est parti avec son bateau, puis il est venu, on a jeté l'ancre près de sa rêve. Ah, c'était comique. Parce que je me suis dit, on va approcher des côtes, je regarde les cartes marines, tu sais, tu vois les fonds, tout ça. Fait que là, on jette l'ancre. Puis c'est important qu'il y ait de la chaîne après une ancre, pas juste de la corde. Parce que la corde, elle est de même, puis l'ancre glisse. Avec la chaîne, ça fait un poids, puis en tout cas, c'est toute une technique. Alors, c'est important qu'elle soit attachée à plein de bateaux aussi. Oui, c'est ça. Il y a un autre bateau avait remarqué ça. Alors, on jette l'ancre sur le bord des côtes, puis mon guide, il m'a dit, à un moment donné, il dit, écoute, Daniel, ce serait peut-être bon que tu sois un peu plus loin de la côte. Fait que moi, ben, on avait sondé avec un plomb de sonde, hein, parce qu'on n'avait pas d'appareil électrique, là, une cochonnerie, un gros plomb qui lance. Tu ressors les nœuds 10 pieds, 15 pieds, tu sais, bon, tu vois. Et puis, on avait 10 pieds de fond. Notre bateau avait un tirant d'eau de 4 pieds, fait que c'est parfait. Il y a un gros cargo qui est posé sur le fleuve, là. C'est fait de ces petites vagues. Vous savez une chose, les vagues, c'est très intéressant. Parce que le 10 pieds de fond, c'est la moyenne, mais dans une vague, ça monte à 15, ça descend à 3. Quand la vague est arrivée, là, je la voyais grossir, oui, à cause de le fond monte, fait que la vague a grimpe. Là, je descends en bas, puis il y a tout le monde, tenez-vous bien. À un moment donné, elle dit, ah, oh, ça va, yeah! Quand on a descendu, j'ai eu peur d'aller rentrer dans le fond de l'eau. Là, je me suis dit, écoute, on va pas se faire nuit ici, ça, là. Fait que la technique, vu que t'as pas de moteur, c'est de prendre l'embarcation, d'avancer, de jeter une ancre. Après ça, il n'y avait pas d'argent pour acheter un électrique. Le truc, c'est que là, à bras, tu tires ton bateau. Peut-être tu vas acheter l'ancre plus loin. Peut-être tu recommences avec deux ancres. C'est là en Polynésie, par exemple, c'est un peu long. Dans l'océan, il faut d'accord. Ça prend des bras. Mais ce qui est arrivé simplement, c'est que le bonhomme en bateau, il est passé. Puis il explique son fils à remorqueur, puis il nous demande s'il veut, on serait intéressé à ce qu'il nous remorque jusque dans le port de Sorel. Les guides de lumière, là, ça fait toujours tout parfait. On dit oui. 3h du matin, ben, ça colle au bateau. Puis là, on est rentré dans le port de Sorel. Puis ceux qui étaient dans le bateau, ils dormaient tous, mais pas, ils s'est réveillés. Puis ils ont eu la peur de le vivre parce que le soir, ils se sont couchés. D'un côté, on voyait le fleuve, l'autre bord, on voyait la campagne. quand ils sont réveillés, on voyait un mur de béton dans la fenêtre. On s'est accosté. Ça s'est sorti ce matin, là. Il n'a pas pris connaissance de rien. Alors, les guides, c'est toujours impeccable. Moi, je savais qu'on serait à voir, je savais plein de choses. Et puis, finalement, ben là, il y en a eu une saisie fédérale sur le bateau parce qu'il y a une personne qui a tout cas, c'est une grosse. Bon, mais ça, c'est sûrement les guides aussi parce que le temps que j'étais parti, là, c'est dangereux, maudit. Exactement, c'est des guides qui ont organisé ça. On a été pitonnés par le GRC au bout au maximum. On était un danger pour la population, pour les jeunes, parce qu'il fallait absolument pas qu'on prouve qu'un jeune peut faire de quoi. Il y avait des raisons. On s'était fait avertir par plusieurs personnes. Et puis, mes guides, donc, jusque-là, m'ont suggéré des choses après, mais tout ce qu'ils m'ont suggéré, rendu à ce moment donné-là, ça l'a tout détruit de A à Z, tout ce que les guides avaient construit les 10 années avant. Alors, ça a été, ben là, ce que tu vas faire, écoute, les gens sont pas tous prêts. Il y avait le GAG qu'on avait formé, le groupe d'accueil du Guatemala. Finalement, ça a été un GAG, ça n'a pas été d'autre chose. Ça n'a pas été fort. Et puis, il y avait plusieurs petites choses. Et puis après ça, ben là, mes guides me disent, Daniel, ce que tu vas faire simplement, c'est que tu vas partir avec les meilleurs de ton équipage. Pars avec, va-t'en jusqu'en Floride. Puis de là, après, tu auras le temps de te reposer. Puis de là, tu donneras des informations pour ça au reste du groupe. Mais déjà, les guides avaient déjà averti le reste du groupe que moi, probablement, que j'avais formé toute l'affaire pour m'avoir un bateau aux frais de tout le monde, puis je voulais me pousser avec. Alors, quand j'ai été leur suggérer ça, ça confirmait ce que les guides leur avaient dit. Tu sais? Alors, Des guides de 10 années. Oui, et après ça, ça a été uniquement ça. Les guides ont averti tous mes amis, par exemple, que j'étais pour vendre un paquet de matériel qu'on avait sur le bateau que j'avais présentement à la maison chez moi. Alors, à un moment donné, ils sont passés chez moi, puis ils ont convaincu ma femme de pouvoir tout prendre au complet. Alors, ils ont vidé tout ce que j'avais, des milliers de dollars de matériel, pour pas que je les vende, pour pas que je les vole. Et puis, le bateau était, on l'a ramené à Montréal, il était en cale sèche à Marina. Et puis, quelques temps après, ben, on s'est rendu compte qu'on s'est fait voler le plomb. Il y avait beaucoup de lingots, ce qui était coulé et resté là. On s'est fait voler les voiles, les défenses, un paquet d'affaires. Et les personnes qui avaient volé ça, ben, c'est des gens qui avaient volé ça parce qu'avant que moi je les vole. Eux ont tout ramassé ça, puis ils l'ont tout vendu. Ils ont fait ce qu'ils avaient peur que je fasse. Puis ils l'ont fait parce que de toute façon, je l'aurais fait, puis je disais. Qu'est-ce que tu avais fait voler tes chums des livres de bibliothèque avant? Plus jeune. C'est un karma différé qu'il y a ça, oui. Merci. J'ai entendu ça dans une conférence de Daniel Kemp. Alors, les guides de lumière, c'est ça. Les guides, nos guides du groupe, parce que tout était parfait. Ça a été merveilleux, ça a été le paradis. Sans arrêt. À un moment donné, on a eu le domaine des Trois Canards, où on organisait des camps pour nous puis pour un paquet de jeunes. J'enseignais le judo des jeunes à l'époque, puis on faisait des choses là. Tout était absolument parfait là, à la lettre. Il nous faut un autobus, un gros autobus pour descendre du mont. Ben, 2-3 semaines après, il y a un gars qui, je sais pas pourquoi, qui a entendu parler de l'affaire avec sa femme. Puis c'est un mécanicien, mais un génie. Il y a un gros autobus scolaire qui remonte au complet. Fait qu'une semaine après, il est peinture aux couleurs dans le vol, t'es écrit en vol dessus, tu sais. Après ça, il y en a un autre qui se pointe avec un mini-boss, même chose, puis les automobiles, puis tout parfait. On était équipés, là, comme quand tu regardes des films, là, à un moment donné, là, de trucs, là, où ça va tout bien, là, puis le monde sont bien, là. Mais c'était parfait, c'était comme ça. T'sais? Mais pourquoi les guides ensuite ont tout détruit, qu'est-ce qu'ils avaient bâti, ou qu'est-ce qu'ils avaient fait bâtir? Les guides ont démoli, voilà pourquoi. Parce que, bon, quand on parle d'ange gardien, on parle toujours du phénomène angélique le plus près de l'homme, donc le plus bas. Le guide de lumière est ce qu'il y a de plus bas près de l'homme, dans quelque chose de spirituellement blanc. Et le diable, le démon, c'est plus bas encore, mais c'est le moins. Et moi, ce que je suis... fait en sorte que le guide peut peut-être me réveiller quelque temps, mais c'est pas long que je vais devoir passer en deuxième vitesse. Et un guide de lumière, lui, c'est uniquement la première. C'est pas la deuxième vitesse. C'est pour amorcer un mouvement de conscientisation. Bon. Alors, le guide, qu'est-ce qu'il fait, le guide? Et ça, souvent, les gens ne comprennent pas. C'est que le guide, il joue à l'ours. Il joue à la mère ours. Alors, la mère ours, elle, ce qu'elle fait, c'est que là, c'est petit. Puis quand c'est le temps que le petit l'abandonne, ben, il donne une maudite volée. Le petit ne comprend pas, puis il revient encore. Elle mord, elle l'attaque, elle l'agresse. Puis à un moment donné, il s'en va en broyant. Le petit, mais il n'y a pas là, sa mère qui s'en va. C'est ce qu'il faut que le petit fasse. Alors, chez l'homme, la femme ou l'enfant, c'est la même chose, parce que souvent, on va dire, si je... Que je dites-moi, là! Ben oui, ben vous êtes, mettons, vous croyez énormément en le frère André. Le frère André vient vous dire, OK, à partir de demain, là, croyez plus en moi, ça marche plus. Mais ben, là, vous croirez pas en lui, là. Vous allez continuer à croire en lui après. Alors, bon, alors moi, je suis jeune encore, là, j'ai 19 ans, à peu près 20 ans. Lorsqu'il y a une débandade générale. T'avais-tu des cheveux dans ce temps-là? Oh, oui, oui, des cheveux. Une barbe en plus. Et puis, mais j'avais moins d'intelligence. Tu sais, moi, j'ai compensé. Tout ça pousse régulièrement. Laisse faire, continue. Les cheveux repoussent, moi, ça va mal. C'est ça. Et puis, donc. Les guides, ce qu'ils ont fait simplement, c'est que c'était le temps pour moi, pas pour tout le monde. Tout le monde n'a pas compris. Plusieurs ont compris. C'était le temps qu'on lâche le contact avec les guides pour passer à quelque chose d'autre. C'est quoi le quelque chose d'autre après les guides de lumière? C'est une rencontre avec des anges, c'est vrai. Ils n'ont pas des anges gardiens, des anges. C'est beaucoup plus puissant, c'est extrêmement différent. On va en parler la semaine prochaine. Les guides de lumière, bon, la majorité des êtres humains vont en rencontrer à un moment donné, comme encore une fois je le disais tout à l'heure, c'est que souvent les personnes ne savent pas à quoi s'attendre. Et le gros danger surtout, c'est que parce qu'ils vont nous indiquer un chemin intéressant, pendant un bout de temps, on finit par les idolâtrer, leur faire confiance d'une façon aveugle, à un point tel qu'on finit même par oublier ce que nous sommes, nous. Et ça, c'est un problème. Parce que moi, je peux me fier à vos conseils. Mais si à un moment donné, je finis par m'abdiquer complètement, puis je me fie uniquement à vous, je suis mort. Donc, il vient un temps où tout fonctionnait au complet en fonction uniquement des guides. Et quand le bateau a été saisi, moi je revenais de l'école navale de Rimouski, j'avais été invité par l'amiral là-bas, il déménageait l'école, puis il y avait plein de matériel qu'il voulait nous donner. Alors quand je suis revenu, il y avait un huissier de la Cour fédérale qui était sur le quai à Sorel. Puis comment que c'est ces colons et ces chiens, c'est que je sens que probablement il faudrait mettre fin au projet en vol. Mais avec la quantité de médias, de journaux, c'est connu partout dans le monde, avec la quantité d'individus qui ont mis leur argent, qui sont là-dedans, ça c'est de leur dire, bon, ok, les mecs, j'ai changé d'idée, là. Mmh. On dit, J'ai senti ça en m'en revenant, mais ça me faudrait arrêter. C'est ça, j'ai eu une petite intuition comme ça, là, puis ça fait 2 ans qu'on lâche pas, mais là, on va lâcher, tu sais. Je me serais fait crucifier, bon. Alors, rien dit. Alors, ce qui fait que, vois-tu, pour sortir l'usine, le bateau de l'usine, il nous faut une grue. La seule grue que Québec Grue a de disponible, c'est celle qui peut faire l'affaire. Elle est fournie, c'est gratuit. Le camion qui va nous amener jusque là-bas, c'est gratuit. Mais ça se donne que tous les ponts qu'on va rencontrer, là, le pont du bateau passe à ça du dessous, tu sais, il y a des places, là, bon, tout était parfait, quoi. On ne l'a pas fait trop haut, pas trop large. Tu sais, c'est parfait. On arrive à la marina, c'est gratuit le marina aussi, évidemment. Et puis, on met le bateau là. Quand on est à Sorel, j'ai de plus en plus l'impression que c'est le temps que ça arrête. Le moteur n'est pas correct. La compagnie Omnimar, qui a des remorqueurs, décide d'accepter de sortir une vieille grue. Parce qu'il est pesant, le bateau. Un homme en chure de grue, là, ça ressemble à un gros monstre. Là. C'est une affaire de métal qui flotte, c'est laid. Puis, il n'y a personne qui sait la faire fonctionner dans la compagnie, sauf l'ancien gars qui travaillait dessus il y a 20 ans, qui est comptable agréé maintenant. En chemise blanche avec sa cravate, il est monté dans la rue. Là, il a essayé de voir si c'était pas trop rouillé, si le moteur marchait, les ingénieurs avaient checké le moteur. Ils ont sorti le bateau au complet, ils l'ont mis sur le quai. Et puis, ils nous ont arrangé le moteur. Ils nous ont fourni les morceaux pour les gaz d'échappement, puis tout ça au complet. Il faut des affaires particulières qui peuvent vibrer un peu pour que ça casse. Surtout qu'il y a une manchure. Après ça, ils l'ont remis à l'eau. Puis on s'est fait saisir. Un coup tout réparé. Oh oui, l'on partait. L'on partait à tabarnouche, là. Et c'est ça qui est la grosse problématique, c'est que pourquoi? Ben tout a continué à fonctionner comme si c'était pour qu'on se fasse taper un peu plus. Alors on a ramené le bateau à Montréal par après. Puis on est resté. Lentement, tout s'est dissous. Puis tout s'est dissous en problématique. On est allé en cour fédérale. C'est tout un emmanchure, en tout cas au niveau tactique GRC, qui nous a amené là. Alors la personne qui nous poursuivait, elle avait le meilleur avocat en droit maritime au Canada. Tout était impeccable. On a gagné, malgré tout. Mais on a gagné, on a eu quoi, un an après, parce qu'un an après, il n'y a plus de groupe, il n'y a plus rien. Il reste un bateau qu'on avait vendu d'ailleurs à un gars de la mafia, 3 000 $, il ne nous a jamais payé. Puis le gars était en prison pour meurtre, puis ce temps-là, quand même. Tu nous as parlé en prison pour le collectif? Ouais, c'est ça. Le gars, il devait de l'argent à quelqu'un, puis il avait peur. Puis là, il m'a donné, il a entendu quelqu'un courir dehors, fait qu'il a tiré à travers sa fenêtre, il y avait des rideaux. Puis un gars, il faisait du jogging, il est descendu. Alors là, c'est sa fille qui est dessus, c'est bon. Et puis, les guides de lumière, ce qu'ils ont fait, c'est que vers la fin du processus en vol, ils ont parlé à la majorité des individus en nous donnant toutes des informations contradictoires, des intuitions fausses, pour que finalement tout le monde finisse par penser que tout le monde est croche là-dedans. Puis je veux dire une chose, toutes les communautés qui sont parties sur la planète, que ce soit à Nord, que ce soit toutes les communautés de partout, qui n'ont jamais continué, ont toujours été parties sous l'égide de guides de lumière, puis à un moment donné, c'est toujours démoli par zizanie interne, uniquement parce que les gens sont rendus, ils ont suffisamment avancé du point de vue de l'ascension, qu'ils doivent comprendre maintenant que la façon dont ils procèdent doit être achevée, c'est fini. Ils pourraient rester en communauté, mais ils ne peuvent plus vivre en communauté comme ils le font là, pas de la même façon. Alors progressivement, ben, les gens vont finir par laisser tomber leur intuition au guide de lumière et se fier plus au guide de lumière d'un personnage central. Et progressivement, il y a des informations qui vont arriver comme quoi le personnage central est peut-être un voleur, un gars croche. Donc on dirait un crocheur. Et puis, lentement, parce que ça se dissout, ça explose. Mais dans le phénomène en vol, c'est un peu ce qui est arrivé. Il y avait des trucs qui se disaient un peu partout. Puis, à l'intérieur du groupe aussi, progressivement. Parce qu'à un moment donné, on décide de faire réparer la pompe à injection du moteur. Et puis, ça, c'était un peu après. On avait gagné l'encours. Il restait le bateau. Ça coûtait 600 $. Alors, tout le monde est prêt à se cotiser pour payer pour, mais là, les gens n'ont pas d'argent, alors moi, je paye la pompe. Puis quand on reçoit la pompe, ben là, ceux qui étaient prêts à payer, ben, ils ne sont plus prêts à rien. Ils disent, ben, bon. Finalement, ben là, moi, je décide de donner le bateau à n'importe qui. Je vous le donne, le bateau. Vendez-le, faites ce que vous voulez avec. Le carbone est fini. Alors, les gens nous ont dit, ben écoute, si tu peux réparer le moteur, réparer les voiles, faire ceci, racheter des cabestans, après ça, si tu nous le donnes, on est d'accord. C'est que ma femme leur a dit, ben oui, voulez-vous qu'on vous donne 100 000 $ de plus, il faut aider à partir. Le gars dit, ouais, ben ça serait intéressant en plus. T'sais. Alors, c'est la manipulation des guides de lumière. Donc, il faut faire attention, une vie de couple. Deux personnes, à un moment donné, c'est un coup de foudre. C'est génial au niveau de l'UVC, c'est parfait. Puis quelqu'un après, là, c'est plus ça du tout. Ils se font zizaniser tous les deux. Ça se présente comment, un guide de lumière, sous quelle forme? Il faut pas. Est-ce que c'est quand tu rêves, ça dépend de chaque individu, probablement, a une vision de ce que ça doit être. Ça ressemble-tu à un grand barbu en blanc ou avec une soutane? Ou c'est une femme, c'est une femme? C'est un homme, c'est un homme? Ou... Bon, ça dépend des individus, ça dépend des concepts. Une chose certaine, c'est que le guide de lumière se pointe normalement en parole, en voix dans notre tête. Il peut, pendant le rêve, ça peut toujours réveiller aussi, nous amener en voyage astral, visiter des choses. Et là, il t'accompagne, t'es un maître. Et puis, par contre, il peut se présenter sous forme, comme tout à l'heure, je disais, de protection. Ça veut dire que vous dérapez avec votre automobile, et finalement, après un paquet de conneries, vous avez plus ou moins rien. Ou encore, l'automobile est totalement détruite, et vous avez presque rien. Il y a une protection. Ça, c'est un ange gardien, c'est un guide de lumière. Donc, c'est pas nécessairement dans ta tête je te parle. Ça va être à un moment donné, tu viens me sortir, tu dis non, il y a une intuition majeure qui dit « sors pas aujourd'hui ». Bon, ben, tu sors pas, puis t'es correct. Bon, le guide de lumière peut donc se présenter aussi comme ça. Le guide de lumière peut aussi se présenter en manipulant un individu. Donc, on peut aller quelque part, à un moment donné, on va rencontrer quelqu'un qui apparemment est sage ou qui va nous dire subitement quelque chose de particulier, puis avec lequel on va rentrer en harmonie vibratoire très rapido. L'harmonie peut être dissoute deux, trois semaines ou de quelques mois après. Mais subitement, là, on a une confiance bizarre dans ce personnage-là. Donc, il y a notre guide de lumière s'imprègne chez lui pour communiquer. Puis là, nous, on va passer cette bonne homme ou encore la bonne femme. Maintenant, le guide de lumière peut se présenter aussi sous forme d'individu bizarre. Alors, à un moment donné, il y a une personne qui, à l'époque de l'envol, qui était sur le bateau, elle avait rencontré, son guide de lumière était un homme en noir. Alors, c'est un personnage qu'elle avait rencontré lorsqu'elle était en Europe. C'est un personnage extrêmement bizarre. La façon dont elle me l'avait décrite, c'est typique aussi de l'habillement de ce personnage-là. Alors, c'est un bonhomme qui est bien noir, qui a un grand manteau, col élevé, style espion, qui descend jusqu'en bas avec le chapeau bien ordinaire. C'est extrêmement bien caché, style extraterrestre déguisé en humain. Et ce personnage-là lui avait expliqué le processus d'envol, il l'a bien longtemps. Puis le gars, c'est un magicien de toute façon. Puis il avait mis en garde plusieurs choses. Lui, c'est le seul qui m'a répété à tout bout de champ, « Daniel, il faut pas que les médias nous couvrent autant. Il faut pas qu'on parle de nous autres. Il faut pas qu'on se fasse connaître. » Puis moi, je disais, « Écoute, plus on est connu, plus l'argent rentre. » Lui avait raison, puis moi aussi. Si on n'était pas connu, on partait pas d'argent. Si on était connu, on partait pas parce qu'on était trop connu. On se fait arrêter. Alors, ça peut se présenter donc d'une panoplie de façons. Ce qui est très important de comprendre, c'est que quand ça fait... C'est que le guide de lumière, c'est un processus qui nous permettra de nous éveiller à certaines choses, à une vision de certaines choses, qui va nous permettre de transposer le besoin de l'ego humain dans la religion. Alors, à un moment donné, je ne crois plus en Dieu, je ne crois plus en ça, je ne crois plus en ça, mais finalement, si on rencontre un guide de lumière, là, ça va bien. Ça permet de transposer. C'est quelque chose qui va permettre à l'animal humain de se diriger de plus en plus vers l'être humain, avec une explication qui est très ajustée à l'individu et qui normalement va missionner l'individu. Donc le guide de lumière est normalement missionnaire. C'est-à-dire qu'il va donner une mission à l'individu. Mais quand on parle de mission, c'est pas nécessairement une mission comme la mienne, comme j'avais eu à l'époque, moi, de aller sur une île déserte pour partir à une société. Là. Prouver au reste du monde, ça se pouvait de vivre en paix. Alors, c'est ma mission. Les individus qui venaient avec moi avaient la même mission, eux avaient la même gustation. Alors, le guide de lumière, normalement, va donner une mission. Alors, ma mission, ça va être d'avoir des enfants, tu sais, puis de les élever pour qu'ils deviennent, etc. Ma mission, ça va être de communiquer de l'amour. Ma mission, ça va être, bon, chaque individu aura une vision d'eux. La problématique du guide de lumière, c'est que le guide de lumière est extrêmement iavique, donc blanc et positif, mais pas longtemps. Il devient noir? Il devient noir assez rapidement. À l'usage? Pas tout à fait à l'usage, c'est que... Non, mais après avoir utilisé ou suivi ses conseils, ou fait un mouvement... Il y en a ici qui ont des guides de lumière et qui le savent. Qu'est-ce qu'une personne fait avec un guide de lumière? Elle le tête. Quand il n'y a plus d'énergie dedans, il est noir. Quand il n'y a plus d'énergie dedans, c'est chez toi, énergie. Maintenant, faut que tu coupes. Alors, ce qui va arriver, c'est que toi, tu ne couperas pas. Puis le guide est très, très, très inénergisé, donc il n'y a pas beaucoup d'énergie. Il ne peut plus comprendre non plus qu'il doit s'en aller. Alors, il peut rester autour de toi. Si tu veux l'éliminer, il va s'en aller. Mais si tu ne fais rien, il reste autour de toi. Puis là, il commence à te prendre de l'énergie pour vivre. Et puis, tu en prends un peu, il te donne un conseil qui est à moitié bon. Tu en prends un peu plus, il te donne un conseil qui est encore bon. Il ne t'apprend pas, tu veux un conseil, c'est un conseil totalement erroné. Là, l'individu n'a plus le contact qu'il faut avec le guide de lumière. Là, le guide est abandonné. Puis souvent, l'ego de la personne est tout fier d'avoir un guide de lumière. Parce que c'est comme si elle était gérant d'une banque, elle se sent mieux socialement, c'est ce snobisme de l'évolution. Mais c'est très dangereux le guide de lumière quand c'est le temps qu'on s'en débarrasse. Est-ce qu'on a nécessairement besoin d'un guide de lumière ou est-ce qu'on a tous déjà eu un guide de lumière pour entreprendre un processus de conscientisation? tous ceux qui se conscientisent ont eu ou ont encore un guide de lumière. Et ça, c'est une problématique parce qu'à un moment donné, bon, le guide de lumière, c'est un ange gardien, il vient voir l'humain, il vient vous voir de différentes façons. Hein? Comme tout à l'heure, je disais, il y en a qui ne savent même pas, mais leur vie, elle est dirigée par un guide de lumière. Ils viennent voir l'humain. Et à un moment donné, pendant un certain laps de temps, on va le siphonner, on va le têter, et il va venir un temps où il ne peut plus nous guider. Mais il peut encore nous protéger. Il ne peut plus nous guider. Alors, si on cesse de le têter, puis qu'on l'oublie dans la brume, il va nous protéger. Il va venir un temps où on va avoir accès à un autre palier. On va en parler tout courant du mois. Rendu à un certain palier, le guide, qui mettait un protecteur, ne peut plus te protéger. Et là, si tu montes à ce palier-là, lui tombe. Si tu ne te protèges plus toi-même, ou pas toi-même, c'est très dangereux parce qu'il n'y a plus de protection. Ça, les personnes, il y en a plusieurs qui s'en rendent compte un peu tard. Mais comment on fait pour savoir qu'on s'en défait, ou comment on fait pour s'en défaire si on n'est pas conscient de sa présence? Comme tantôt quand tu disais que mécaniquement, j'ai un accident d'auto, puis l'auto est scrap, puis moi j'ai rien. Bon, ben, je n'étais pas nécessairement conscient d'avoir un guide de lumière à ce moment-là. Puis à un moment donné, au fur et à mesure de l'évolution, il faudrait que je m'en défasse, mais je ne sais pas que j'en ai un, je ne sais pas comment il s'exprime, si c'est mécanique comme ça. C'est ça. Comment je fais pour m'en défaire? Premièrement, ce qui va arriver, c'est que dans la majorité des cas des individus, il va venir à un temps où ils vont parler à quelqu'un. Bon, prière ou dialogue. Il vient un temps, à un moment donné, où on essaie de trouver quelqu'un qui parle. C'est le guide, normalement, qui se pointe là. Alors, quand on dit, par exemple, je veux m'en défaire, mais je ne suis pas au courant que j'en ai un, tu n'as pas à t'en défaire présentement. Pourquoi? Parce qu'il ne guide pas. Protège. Mais si tu as l'automobile ou des choses comme ça, une seule chose, il t'a protégé, il t'a pas guidé. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un guide de lumière qui est là, qui t'est attaché, qui t'a été alloué. Mais à un moment donné, ce qui va arriver aussi, c'est que l'individu va commencer à faire des dialogues avec lui-même, puis il va commencer à se répondre. Mais souvent, ce qui se répond, c'est le guide qui te parle. Et c'est intéressant. Mais est-ce que c'est pas à partir de ce moment-là que ça peut être erroné, les réponses? Non, à partir de ce moment donné-là, ça va encore. Sauf que progressivement, il va falloir faire. Moi, ça a pris 2 ans. Pendant 2 ans, c'était merveilleux. Et disons, pendant 2 ans, c'est merveilleux, mais en réalité, c'était pendant un an et demi de temps merveilleux. Il y a un autre 6 mois de merveille avec en dessous une démolition totale. Donc, les individus doivent faire énormément attention à ça. Pourquoi? Parce que c'est tout ça. C'est comme si vous avez le droit. Bon, tu sais, vous savez, vous connaissez l'histoire des autour d'une bouteille, là. Puis on sort un génie là-dedans, vous avez 3 vœux. Un guide de lumière, c'est un peu comme ça. Tu as 107 informations qu'on va te donner. La 108e, la plus bonne. Fait que quand tu as tout pris. Mais comme tu ne sais pas, dans la 108e, que les 107 autres sont déjà passés, tu penses que égoïquement, c'est toi qui avais dit. Ça t'induit en erreur. Parce que quand ça va bien dans notre vie, disons les 107 questions. Là, on pense qu'on a du libre-arbitre. Tout va bien. Tu décides que tu changes d'emploi, puis c'est merveilleux. Tu décides que tu achètes une maison, puis ça va bien. C'est parfait. Tout va bien. Ça fait que là, tu dis, bon, ben, je contrôle ma vie, puis là, ben, tu suis des cours de positivisme, etc. Là, ben, non, même pas encore, tu n'as pas besoin, là, tout va bien. C'est entre la 107e puis la 194e que tu commences à avoir des doutes sur le libre-arbitre. Quand le guide commence à te dire les choses sont erronées, la personne ne doit pas se poser la question, peut-être j'ai pas écouté comme il faut, ou encore j'ai mal discerné, ça crée des problèmes à un moment donné. Mais là, j'arrive plus à discerner si c'est mon guide ou si c'est pas mon guide. Ça peut être ton guide, mais c'est plus bon. Et tant que tu lâches ton guide de lumière. Et les personnes qui en ont un, normalement, ne veulent pas le lâcher. Et c'est un maudit problème. Et s'il continue d'y avoir un dialogue interne, est-ce qu'il y a absolument un guide de lumière ou à partir d'un moment donné, il peut y avoir un autre dialogue d'un autre niveau? T'as l'ange, t'as la mécanique extraterrestre, t'as la mécanique divine, jusqu'au jour où tu vas être capable de boire à ta propre source. Bon, donc si on va en parler, de toute façon, dans les prochaines semaines. Il y a énormément de niveaux. Le guide de lumière, la personne doit Il y a des nuances. Là, j'ai expliqué comment reconnaître le guide. On reparlera dans les prochaines conférences de comment on reconnaît les autres. Mais il y a des savoirs subtils. Il y a quand même des nuances intéressantes entre un guide de lumière, un ange ou d'autres mécaniques. Sauf que l'être humain doit, à travers le guide, vous écoutez un conférencier, par exemple. On ne doit jamais, en écoutant un conférencier, conserver dans sa tête qu'on doit être son seul maître. On prend l'information du conférencier savant. Si l'information ne sert à rien, on ne la prend pas. Si elle ne va pas avec la vibration, ben on ne la retient pas. Puis si elle va ou elle clarifie ou elle explique, c'est correct. Mais on doit rester continuellement savant de l'idée qu'on doit être notre seul maître. Alors, avec le guide de lumière, c'est la même chose. Il vient à un moment donné que les individus finissent par s'abandonner totalement dans les mains de leur guide de lumière. Et c'est là, normalement, le danger est très, très, très puissant. Pourquoi? Parce que la journée que le guide est plus opérationnel, la personne va continuer d'avoir croire à n'importe quelle affaire de l'astral qui va venir se présenter comme étant un guide. Allô, coucou, je suis ton guide de lumière. Tiens, il s'est jamais présenté de même. On dirait qu'il évolue, il est plus fun. Mm-hmm. Ça peut être extrêmement dangereux et c'est surtout souvent très pénible. Pourquoi? Parce que ça mélange totalement la personne. Là, pendant un bout de temps, on pensait que c'était réglé. Là, maintenant, c'était correct, elle y allait. Là, elle savait comment y aller. Tu sais, j'ai mon guide. Et ça va bien. Puis subitement, j'ai mon guide. Puis là, il me fait chier. Il m'envoie où est-ce que j'ai pas besoin. Avant, j'allais gager dans les courses de chevaux, puis tu sais, je gagnais. Fait que là, maintenant, il me dit « gâche plus! » Je gâche plus, puis je perds. Puis la personne est totalement perdue. Puis là, si, il marche plus. Quand j'étais très jeune, d'avoir 9 ans, j'avais un pendule. Il me donnait toutes les réponses. C'était tous mes examens scolaires à la main rouge. Et puis, à un moment donné, ben là, il me donnait... Tout était à l'envers. Puis là, je me suis dit, comment je vais faire pour continuer à vivre? Je peux plus me fier à mon pendule. Hein? Tu sais, c'est ça. Fous-toi à toi, maintenant, un peu, là. Mais avec le guide de lumière, c'est un peu la même chose. C'était parfait, c'était merveilleux. Puis subitement, ben là, il me fait avoir. Il me fait grosser le nez. Ça va de mal en mal. Pourquoi? Parce qu'on doit passer à une autre étape, abandonner le guide de lumière. Et souvent, les personnes ont de la difficulté à s'en détacher. On fait une pause. Vous avez des questions sur le sujet ou sur n'importe quel sujet, vous les écrivez. Puis Charles va les lire. Si vous écrivez bien. Hein? Ouais.